السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شفعنا الله عز وجل. On est aujourd'hui au 10e annulatif et dernier annulatif parmi les 10 annulatifs que Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala il a cité dans son épître Nawaqid l'Islam. Et donc on va terminer le livre aujourd'hui, inshallahu ta'ala, après l'explication du 10e annulatif et l'explication de la conclusion du livre. Al-Naqid al-Ashir, al-I'radu an dinillahi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-Ashiru al-I'radu an dinillahi, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, wa al-dalilu qawluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rad anha, inna min al-mujrimina muntaqimun. Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il rapporte ce 10e annulatif qui est le fait de se détourner de la religion d'Allah. L'auteur, qui est donc Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'à lui fasse miséricorde, il dit le 10e, c'est-à-dire parmi les 10e des 10 annulatifs de l'Islam qu'il a cité dans son épître, se détourner de la religion d'Allah. Il ne l'apprend pas et ne la met pas en pratique. Et la preuve de cela et la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est « Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne ? Nous nous vengerons certes des criminels. » Surat al-Sajda, verset 22. Maintenant on a l'explication du noble savant salafi, Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullahu ta'ala. Et il dit, expliquant cet annulatif de la manière suivante, الإعراض عن دين الله وعن شرع الله هو في الأصل أحد أنواع الكفر الأكبر الخمسة التي يذكرها العلماء. Donc il dit, se détourner de la religion d'Allah et de la législation d'Allah, c'est à la base l'un des cinq types de mécréances majeures. Donc c'est important de connaître ça pour un talib ilm, de connaître ces cinq types. On ne va pas rapporter beaucoup de détails vis-à-vis de ça, mais on va quand même les expliquer, un minimum, l'explication de Cheikh Mohamed Bazmoul. Il va apporter une très belle parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya dans Madarij Salikin qui explique ces cinq anwa', ces cinq types de mécréances. Donc quant à la mécréance majeure, on a dit, je répète ma phrase, se détourner de la religion d'Allah et de la législation d'Allah, c'est à la base l'un des cinq types de mécréances majeures qui sont cités par les savants. D'accord ? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, قال ابن القيم رحمه الله وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. Ibn al-Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit, quant à la mécréance majeure, elle est de cinq types. Premier type, la mécréance de déni. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, un tekdib, c'est-à-dire de dénier quelque chose. La mécréance d'orgueil et de refus, al-iba wa al-istikbar, avec le fait de croire que c'est vrai, ma'a tasdiq, et la mécréance de se détourner, al-i'rad, et c'est quoi le sujet de cet annulatif, d'accord? Et la mécréance de doute, al-shak, kufru shak, et la mécréance d'hypocrisie, kufru nifaqin. Maintenant, il va les expliquer un par un, inshallah. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار. أحسن الله إليك. فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، من سورة النمل. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، سورة الأنعام. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. شيخ محمد بازمون يغبط toujours cette part de Bilqim. Il explique qu'il a cité ces cinq أنواع qui sont quoi. أنواع de quel كفر. Qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Reviens à la phrase, soyez précis les frères. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit كفر الأكبر خمسة أنواع. Ou si vous voulez أنواع الكفر الأكبر الخمسة. Hein? Le premier on a dit c'est quoi? Retenez-les, on va essayer de les retenir. Tout كفر تكذيب. Et il explique, Ibn al-Qayyim rahimahullah, on est toujours dans la parole d'Ibn al-Qayyim. Je vais vous dire à un moment qu'on va s'arrêter à la fin de la citation. Donc tout ce qu'on va voir là maintenant, c'est toujours dans la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans Madarij al-Salikin, le premier volume. Donc, quant à la mécréance du déni, c'est croire que les messagers, alayhi salatu wa sallam, mentent. Et cette catégorie se retrouve peu chez les mécréants. Allah a certes soutenu ses messagers et leur a donné en termes de preuves et d'évidence de leur véracité ce par lequel il a établi subhanahu wa ta'ala les preuves et a levé l'excuse. Allah le Très-Haut dit au sujet de Pharaon et de son peuple selon la traduction du sens est: ils les nièrent injustement et orgueilleusement tandis qu'en eux-mêmes ils croyaient avec certitude. Surat Naml verset 14. Et il dit à son messager, alayhi salatu wassalam, c'est dans la traduction du sens 1, or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah, que les injustes renient. Sur l'An'am, verset 33. Regardez ce qu'il dit, Cheikh Mohamed Bazmoul ici, il dit, et si cette mécréance est appelée mécréance de déni, kuf takdib, c'est là aussi correct, car c'est un déni par la langue. Vous comprenez ce qu'il veut dire par ici? Je sais qu'il parle de kuf takdib. Mais il a dit que c'était peu chez les mécréants. Il a donné des versets. D'accord? Regardez les versets et la traduction comment elle est claire ici. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ça va? Et Cheikh dit, et si cette mécréance est appelée mécréance du déni, c'est là aussi correct car c'est un déni par la langue. Yani, ils ont dénié par quoi? Par la langue. Même s'ils savaient quoi? Deuxième type. On a dit le premier c'était quoi? Kufr takdib. Le deuxième, na'thani, kufr al-iba. Al-iba. Pardon, al-iba. Ou l'istikbar. Vous connaissez ce verbe? Aba. Hein? Aba, refuser. Kufr al-iba ou l'istikbar. L'istikbar, istakbara, du verbe istakbara. يستكبروا استكبارا فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، من سورة المؤمنون. وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، من سورة إبراهيم. وقوله كذبت ثمود بطغواها، سورة الشمس. وهو كفر اليهود كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سورة البقرة. وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، من سورة البقرة كذلك. وهو كفر أبي طالب أيضا، فإن صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. Donc c'est quoi ce deuxième type après le type de déni, d'accord? Eh bien, c'est la mécréance d'orgueil et de refus. كفر إباء واستكبار. C'est un exemple de la mécréance de qui? D'Iblis, Satan. Car il n'a pas renié l'ordre d'Allah, ni lui a fait face, c'est-à-dire à l'ordre, par le reniement, mais lui a fait face par quoi? Par le refus et l'orgueil. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'écouter, il y a déjà pas mal de cours qui ont été faits, de Cheikh Ahmed Al-Soubaï, hafidahullah ta'ala, parmi les mashayikhs du Koweït, qui est un tezkiya de Cheikh Rabi'a, de nombreux mashayikhs, hein, qui nous visitent souvent, qui nous a déjà visité plusieurs fois ici, qui a d'ailleurs plusieurs, une série de cours sur l'histoire qui s'est passée avec Iblis par rapport à Adam, alayhi salam. D'accord? Et c'est disponible sur le site des mashayikhs du Koweït, qui est Nahj Al-Wadih, Nahj Al-Wadih, Nahj.com. Donc je vous annonce que Cheikh Ahmed Soubaï va commencer aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il a commencé aujourd'hui, une magnifique série de cours. Vous connaissez Sunan ibn Majah? Il y a une introduction dans Sunan ibn Majah, qui est très importante dans le manhaj. D'accord? Il y a un savant, parmi les savants de la Salafia, un imam de la Salafia qui l'expliquait. C'est imprimé, d'accord? D'ailleurs j'ai quelques copies. C'est Qat'ul Lajaja, Bisharhi, Sahih, Muqaddimat Sunan ibn Majah de Cheikh Ubayd. Donc Cheikh Ubayd l'expliquait cette Muqaddimah là. Et Cheikh Ahmed Soubaï, tous les samedis, il va prendre cette charah de Cheikh Ubayd et il va faire des ta'aliq dessus. L'heure, je ne sais pas, regardez sur le site. D'accord, ils ont annoncé ça aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que Cheikh Mohamed Al-Anjari, il a commencé une nouvelle série aussi, Hafidahullah, parmi les mashayikhs du Koweït, Kenteskad, Cheikh Rabi'i et d'autres aussi. C'est qu'il a commencé une série qui est un ta'aliq sur le charah de Cheikh Sunan al-Barbahari de Cheikh Al-Fawzan. Des durous en or, et ça je vous conseille vraiment. On a déjà traduit pas mal de durous de cette radio-là, de ce site-là, hein, de ces chouïrs-là, mais je vous conseille vivement d'écouter cette radio et d'écouter les durous qui sont sur ce site. Donc on a dit quoi ici? Que quant à la mécréance d'orgueil, de refus, c'est à l'exemple de la mécréance d'Iblis, Satan, car il n'a pas renié l'ordre d'Allah, ni lui a fait face à l'ordre par le reniement, mais lui a fait face par le refus et l'orgueil. Et fait partie de cela la mécréance de celui qui connaît la véracité du messager, alayhi salatu wassalam, et sait qu'il est venu avec la vérité venant d'Allah, mais ne se soumet pas à lui par refus et orgueil. Et c'est ce qui est prédominant comme mécréance chez les ennemis des messagers, comme Allah le Très-Haut a dit au sujet de Pharaon et de son peuple, selon la traduction du sens est, ils dirent, croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves? Surat al-Mu'minun, verset 47. Et la parole des communautés à leurs messagers, selon la traduction du sens est, vous n'êtes que des hommes comme nous. Surat Ibrahim, verset 10. Et sa parole dans la traduction du sens est, les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Surat Shams, verset 11. Et c'est la mécréance des juifs, comme Allah a dit, selon la traduction du sens est, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Surat al-Baqara, verset 89. Et il a dit, selon la traduction du sens est, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Surat al-Baqara, verset 146. Et c'est également la mécréance d'Abu Talib, car il l'a cru et n'a pas douté en sa véracité, mais il fut empêché par la fureur, al-Hamiyya, et la glorification des aïeux, et de refuser leur religion et de témoigner contre eux de leur mécréance. Donc le premier c'était quoi? Kufru takdhibin. Le deuxième c'est quoi? Kufru iba'in wa istikbarin. Et le troisième c'est kufru al-i'rad. أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي صلى الله عليه وسلم والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. Quant à la mécréance de se détourner, d'ailleurs on va voir que c'est le sujet du cours du 10e annulatif. Quant à la mécréance de se détourner, kufr al-i'rad, c'est qu'il détourne, c'est qu'il se détourne du messager par son oui et son cœur. Il ne le croit pas ni le dément. Il ne l'aime pas ni le déteste. Il ne prête pas du tout l'oreille à ceux avec lesquels il est venu. Comme l'a dit l'un des gens de Banu Abdi Yalayl au prophète, alayhi salatu wassalam, par Allah, si tu es véridique, tu es alors plus illustre à mes yeux que je te réponde. Et si tu es un menteur, tu es alors plus vil que je ne te parle. Donc premier c'était quoi? Kufr takdib. puis kufr iba wa istikbar, troisième kufr irad, et quatrième amma kufr shak. فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة. très important cette phrase. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. Donc quant à la mécréance du doute, il n'affirme ni sa véracité ni son mensonge, mais doute à son sujet. Écoutez cette phrase maintenant de Cheikh Mohamed Bazmoun, hafidhahullah ta'ala, qui cite d'ailleurs, c'est toujours la parole de qui? Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il n'affirme ni sa véracité ni son mensonge, mais doute à son sujet. Et celui-ci, son doute ne perdure que s'il impose, il s'impose à lui-même de se détourner du fait de regarder les signes. L'irad. Le doute, il persiste que s'il s'impose de se détourner du fait de regarder les signes de la véracité du messager à l'Islam de manière générale et donc ne les écoute pas ni leur prête attention. Mais s'il y prête attention, et les regarde, alors le doute ne persiste pas en lui, car il, c'est-à-dire les signes, impliquent la véracité, et surtout dans leur globalité, car ils indiquent la véracité comme le soleil indique le jour. Premier, c'était kufr takdib. Deuxième, kufr iba wa istikbar. Troisième, kufr i'rad. Quatrième, kufr shak. Cinquième, kufr nifaq. Amma kufr nifaq, fahuwa an yudhira bilisanihi al-iman. وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر وبذلك انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. Cinquième et dernier type de ces cinq grands types de mécréance, des cinq types de mécréance majeure, quant à la mécréance d'hypocrisie, c'est qu'il montre en apparence la foi par sa langue, sa parole, alors que son cœur contient le déni. Et c'est l'hypocrisie majeure. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son fameux livre Madarij al-Salikin, volume 1, page 337. هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الكفر المخرج من الملة وكل نواقض الإسلام ترجع إلى هذه الأنواع الخمسة. Ça c'est une phrase à souligner ça. ولكن لما كان كفر التولي والإعراض صورة ظاهرة لا ينتبه لها الناس ذكر المصنف هذا النوع على الخصوص كفر التولي والإعراض. Et ces cinq types sont les types de mécréance qui font sortir de la religion. Et tout, ça c'est la phrase en français ici que je vous demande de retenir important, et tous les annulatifs de l'islam reviennent à ces cinq types. Comme la mécréance de délaissement, qui est un des cinq types. Et du fait de se détourner, c'est kufr al-i'rad on a dit. À une apparence manifeste que les gens ne remarquent pas, l'auteur a cité ce type de manière spécifique. Vous comprenez ça ici? C'est qu'il y a cinq types de mécréance majeure. L'i'rad, il est un des cinq types. Tous les annulatifs, ils reviennent à ces cinq types. Et pourquoi Cheikh Mohamed ibn Abdullah rahimahullah, il a cité ce type de kufr majeur-là, à part dans les annulatifs? La réponse, elle est là. C'est la mécréance de délaissement et du fait de se détourner, kufr al-i'rad, a une apparence manifeste que les gens ne remarquent pas. L'auteur a donc cité ce type de manière spécifique. Maintenant, al-i'rad wa al-tawalli anwa'. On a parlé de quoi? Des anwa' al-kufr al-akbar, ou hiya khamsa. On est d'accord? Cinquième qu'on a cité, c'est kufr al-i'rad. Ce kufr al-i'rad-là, il a des types aussi. Oui, un des cinq, c'est vrai, on va être précis, sahih, hassantum. On va dire, je répète ma phrase, on a cité les cinq types de mécréances majeures, dont l'un d'entre eux est kufr al-i'rad, vous vous souvenez, ben c'était le troisième, hein? D'accord? Et on cite maintenant ce troisième type à part, qui est le dixième annulatif d'ailleurs, bismillah, dernier annulatif d'ailleurs, et on fait quoi? On rapporte les types de kufr, l'i'rad. L'i'rad wa tawalli anwa. L'awwal, l'i'rad ou. Oh pardon, c'est parce que je répète ma phrase ici, qu'elle soit correcte. On va rapporter les types d'i'rad. On va te rapporter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les types d'i'rad. D'accord ? L'i'rad wa tawalli anwa. L'awwal, l'i'rad wa al-hukm Allah wa al-akhdi bih. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون سورة آل عمران ويقول الله تبارك وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون من سورة النور premier type d'i'rad premier type d'i'rad on parle des types d'i'rad ici et de tawalli et bien le fait de se détourner et de délaisser est de différents types. Le premier, se détourner du jugement d'Allah et du fait de le prendre. Alors le prix ou dit, dont la traduction du sens est, n'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? Surat Ali Imran, verset 23. Et alors le prix ou dit, dont la traduction du sens est, et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Surat An-Nur, verset 48. Deuxième type de i'rad, c'est quoi? الثاني الاعراض عن سامع الحق من القرآن العظيم والسنة النبوية. يقول سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من سورة الأنفال. ويقول الله تبارك وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الأحقاف ويقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى من سورة طه ويقول سبحانه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين من سورة الشعراء donc le deuxième type de i'rad c'est se détourner d'entendre la vérité du noble Coran et de la Sunna prophétique. Alors le Très-Haut, c'est dans la traduction du sens est, et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Min surat al-Anfal, verset 23. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Min surat al-Ahqaf, verset 3. Et Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous la mènerons aveugle au rassemblement. Surat Taha, verset 124. Et il dit, exalté soit-il, ce dont la traduction du sens est, aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Surat Al-Shu'ara, verset 5. Troisième type d'i'rad et tawalli. الثالث الاعراض عن التعلم وتفكري في الامور لمعرفه الحق. يقول الله تعالى ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ويقول سبحانه وتعالى وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. يقول عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين. troisième type de tawalli, d'i'rad et tawalli, c'est se détourner d'apprendre et de méditer les choses afin de connaître la vérité. Il dit, exalté soit-il, selon la traduction du sens est, or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Surat Yassin, verset 46. Et il dit, ce dont la traduction du sens est, continue à se détourner du rappel, surat al-Mudathir, verset 49. Quatrième type d'i'rad et tawalli, l'i'rad عن العمل بما يسمعه من الذكر, يقول تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وتارة يكون الإعراض كليا فلا يؤمن بالله تعالى ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بدينه فيعرض عن شرع الله جملة وتفصيلا تصديقا وعملا. وطارة يكون الإعراض عن العمل كسلا وتهاونا مع الإقرار والتصديق والاعتقاد يزيد وينقص عنده العمل بحسب ما في قلبه فمن أعرض عن شرائع الله فلا يتعلم الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها لكي يقوم بعبادة الله الواجبة عليه من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وأحكام البيع والشراء إذا كان يشتغل بالبيع والشراء وأحكام النكاح والطلاق إذا كان يريد الزواج أو يريد الطلاق وغير ذلك من أحكام الدين التي يجب عليه تعلمها لأنه بلغ إليها وبلغت إليه حكما فإنه إذا أعرض عن تعلمها لا يعذر بجهله. On avait parlé de ça, de l'udr bil jahl. On avait donné le tafsil des ulama. On avait donné le tafsil de Cheikh Al-Fawzan. Que ce n'est pas toujours qu'une personne est excusée. D'accord ? Et qu'il y a un tafsil. On avait dit d'ailleurs, Cheikh Al-Fawzan l'avait dit, que la personne, elle veut le haq, mais qu'elle n'a pas la capacité. Parce qu'elle n'a pas des gens de science, etc. Revenez à la traduction que j'ai faite sur notre site, elle est disponible en PDF. D'accord ? À ce moment-là, elle est excusée. Mais s'il a la possibilité, mais qu'il ne veut pas apprendre, et qu'il ne pose pas de questions, qu'il ne cherche pas à apprendre, etc., eh bien qu'il n'est pas excusé. Et Cheikh Mohamed Mazmoun, il avait dit ça. Il avait expliqué, il avait dit, ça, ça revient à un de la waqf de l'islam, qui est quoi ? Al-Irad. Il a dit, on va en parler plus tard. Il va en parler aujourd'hui ici, Inch'Allah. D'accord ? وكذا إذا أعرض إعراضا في معنى أنه يستحل تركها أو أنه لا يجب عليه تعلمها أو أنها غير لازمة له أو أنها غير صالحة له أو للزمان الذي يعيش فيه فإذا أعرض إعراضا بهذا المعنى فإنه يكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام أما إذا قصر في تعلمه كسلا وتهاونا مع اعتقاده أن تعلم هذه الأحكام في التشريعات من طهارة وصلاة يجب عليه أن يتعلمها وأنه مقصر في هذا وأنه آثم في هذا فهنا هو من أهل الضلال وأنه من أهل المعاصي والذنوب والكبائر ولا نقول إنه خارج عن شريعة الله سبحانه وتعالى. Le quatrième, on avait dit, c'est se détourner de la mise en application de ce qu'il entend en termes de rappel. Alors, notre audit, ce dont la traduction du sens est, qui est plus injuste que celui à qui des versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous ne vengerons certes des criminels. Surat Sajda, verset 22. Et parfois, le détournement est complet. Et donc, il ne croit pas en Allah le Très-Haut, ni en son messager, ni en sa religion, et donc se détourne de la religion d'Allah globalement et en détail. En termes de croyance et en termes de mise en pratique. Et parfois, le détournement est de se détourner de la mise en pratique par fainéantise et par négligence, tout en affirmant et en croyant et en ayant la croyance. L'action chez lui augmente et diminue en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Et donc, quiconque se détourne des législations d'Allah et n'apprend pas les choses qui lui sont obligatoires, d'apprendre afin qu'il s'acquitte de l'adoration d'Allah qui lui est obligatoire, comme la purification, et la prière, et le jeûne, et la zakat, et les jugements des ventes et des achats, s'il travaille dans la vente et les achats, et les jugements du mariage et du divorce, s'il veut se marier ou s'il veut divorcer, et d'autres parmi les jugements de la religion qui lui sont obligatoires d'apprendre, car il y est arrivé et ils lui sont arrivés en termes de jugement. Donc s'il se détourne du fait de les apprendre, il n'est alors pas excusé en raison de son ignorance. Là, il n'y a pas d'udr bil-jahl. Et s'il l'a délaissé d'un délaissement dans lequel il y a un sens qu'il croit qu'il est licite de les délaisser, ou qu'il n'est pas obligatoire de les apprendre, ou qu'elles ne lui sont pas obligatoires, ou qu'elles ne sont pas bonnes pour lui, ou pour l'époque à laquelle il vit, s'il délaisse avec ce sens, il aura alors commis l'un des annulatifs de l'islam. Tandis que s'il a des manquements dans son apprentissage, par fainéantise et par négligence, alors qu'il croit que l'apprentissage de ses jugements dans les législations, comme la purification et la prière, lui est obligatoire d'apprendre, mais qu'il a des manquements à cet égard, et qu'il est en état de péché à cet égard, il fait alors partie des gens de l'égarement. Et il fait partie des gens qui ont des désobéissances, et des péchés, et des kaba'ir, des grands péchés. Et nous ne disons pas qu'il sort de la législation d'Allah le Très-Haut. Et non, maintenant, Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, il va continuer son tafsil, son excellent tafsil, son détail, il dit, « وَأُمُرُ الدِّينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ » Il dit que les affaires de la religion sont de trois types. الأول ما يتعلق بأصول الاعتقاد، فهذه من أعرض عن تعلمها وترك تعلمها فإنه يكفر ولا يعذر بجهله إذا كان من عن تقصيرهم القدرة وعدم المانع، وهذا من كفر التولي والإعراض. يقول للشيوخ سالتيكم اسم بخيسي دون العقيدة لابورتانس de prendre l'aqida et la science en général, et l'aqida en particulier, des gens de confiance salafi parmi les gens de science. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, le premier, on a dit les affaires de la religion sont de trois types. Le premier type, c'est ce qui est lié au fondement de la croyance, au soul, l'i'tiqad. Et donc, concernant ceci, quiconque se détourne du fait de les apprendre et délaisse leur apprentissage, il mécroit alors. Et n'est pas excusé en raison de son ignorance. Si c'est un manquement de sa part, alors qu'il a la capacité et qu'il n'a pas de barrière d'empêchement. Et cela fait partie de la mécréance de délaissement et de se détourner. Deuxième type, النوع الثاني. من أعرض عن تعلم الواجب عليه من العبادات والأعمال كسلا وتهاونا مع القدرة وعدم المانع. فإنه يأثم وتبطل العبادة التي أخل بتعلم واجباتها وأركانها وشروطها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر مسيء الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعن حذيفة رضي الله عنها أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم من حذيفة رضي الله عنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فلما حكم حذيفة بهذا دل على ذلك على أن الجهل لا يعذر به المرء إذا كان عن تقصير في الطلب والسؤال. revient تفصيل de شغل الفوزان، يعني أعرض عن التعلم حتى في العبادات، وهذه لا يعذر فيها بالجهل مع إمكان تعلمي. Deuxième type, quiconque se détourne du fait d'apprendre ce qui lui est obligatoire en termes d'actes d'adoration et d'action, par fainéantise et par négligence, alors qu'il en est capable et qu'il n'a pas de barrière d'empêchement, il est alors en état de péché, et l'adoration dont il a manqué d'apprendre les obligations et les piliers et les conditions est nulle. D'où pourquoi nous l'avons fait à l'époque ici, c'est un des premiers livres qu'on a fait à Birmingham ici en français, c'est شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ محسن العباد il est complet sur notre site. Et je vous dis que ça prend du temps évidemment, parce que ça fait que quelques années que j'écris toutes les notes pour chaque cours, mais je suis en train de retaper toutes les notes de tous les cours qu'on a fait depuis quelques années. J'ai commencé par Moudakirat al-Hadith Nabawi Sharif, on va les faire un par un, et après Sifat Salah, il y a 36 cours à retaper, d'accord. Et puis il y a Sharut Sala, et puis il y a Usul Sita et Usul Talata. Donc laissez-moi du temps, Barakallahu Fikoum. Plus les nouveaux cours qu'on est en train de faire. Là j'ai commencé à traduire l'Haïya, on a déjà 3 PDF. On va commencer à traduire l'Adam Mufrad al-Bukhari, de Sheikh Zayd, Inch'Allah. Et on va commencer à traduire d'autres cours dans le Menhaj de Sheikh Khalid Abdurrahman et d'autres, etc. On fait ce qu'on peut, donc patientez, faites dua pour qu'Allah nous facilite. Et que nous donne l'exactitude, la précision dans ces traductions. Donc on a dit quoi? Pourquoi j'ai parlé de ça ici? Regardez, c'est important ça ici. Il a dit, il est alors en état de péché et l'adoration dont il a manqué d'apprendre les obligations et les piliers et les conditions est nulle. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, regardez la preuve, n'a pas excusé celui qui avait mal fait la prière. Il lui a dit, hadith, il est très connu, on appelle ça hadith musi a salati. Ou hadith musi a salati. Hadith de celui qui a mal fait sa prière. On l'a cité dans le sifat salat. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré comment prier. D'accord? Cheikh Abel Jadiri, on est à l'Umra en février passé, dans un dars de lui, si je me souviens bien, c'était Aqidat al-Raziyyin. D'accord? Et il était là, et il a parlé de l'Udr bil-Jahl, il a fait le tafsir au niveau de l'Udr bil-Jahl. D'accord? Et il a rapporté ce dalil-là, qu'il y a des fois où il n'y a pas de l'Udr bil-Jahl. Et que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas excusé avec l'ignorance. D'accord? Donc ici, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas excusé celui qui avait mal fait sa prière. Il lui a dit, donc il a prié, il a mal prié. Il a dit, retourne et prie parce que tu n'as pas prié. Il l'a refait, etc. jusqu'à la fin du hadith. Donc il n'a pas excusé en raison du Seigneur. Il lui a dit, tu n'as pas prié, retourne prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne et prie car tu n'as pas prié. Et Cheikh Mohamed Bazoul, en note de bas de page, il dit, j'ai écrit un ouvrage spécifiquement, alors que les gens qui lisent cette phrase-là, ils ne croient pas que c'est moi qui écris un ouvrage, hein. J'ai écrit un ouvrage spécifiquement. D'ailleurs, toujours quand c'est moi, je dis NDT, note du traducteur. D'accord? J'ai écrit un ouvrage spécifiquement sur ce hadith, connu comme le hadith de celui qui a mal fait sa prière, dans lequel j'ai regroupé ses voix et ses chaînes de transmission, lis-le donc. Puis Cheikh, il a cité un autre dalil, il dit, et d'après Hudayfa Fakal al-Agri, qu'il a vu un homme ne pas parfaire son inclinaison, ni sa prosternation. Important de bien faire le sujoud, de bien faire al-rukoua. Comment on va le faire si on n'apprend pas? Comment on va faire? Vous voyez l'importance. Et je vous le dis toujours, ya ikhwa wa akhawat, que talab al-ilm, c'est une des caractéristiques, une des spécificités de l'firqa al-najiyah, du groupe sauvé, du groupe victorieux, al-salafiyoun, al-athar, al-hadith, al-sunnah al-jama'a. C'est qu'ils ont une diligence, une ardeur dans talab al-ilm. Et Cheikh Rabi, chaque fois que vous asseyez avec lui dans sa maison, une des premières choses qu'il dit après d'avoir enjoint à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être véridique, al-sidr, c'est quoi? Wa alaykum bi jiddi wa l'ijtihad. في طلب العلم فشمروا تجوك شهد الشيخ ربيع يقول هذه الفرازي شمروا عن ساعد الجد ايدي الشيخ ربيع تجوك parce que الشيخ ربيع c'est pas comme certains démoralisateurs qui démoralisent les gens, tu peux rien faire, tu peux pas venir à داعي, tu peux pas venir à طالب علم. لا, الشيخ ربيع te motive. الشيخ ربيع il dit dans certains de ses articles, il dit on a umma le besoin de ulama. Si Allah te veut, mon frère, que tu deviennes un alim, personne ne peut t'empêcher de ça. Faut savoir ça. Et ma sœur en Allah, si Allah veut que tu deviennes une alima dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut te retirer ça. Ni les démoralisateurs, ni les critiqueurs, ni qui que ce soit. Personne ne peut te retirer ça. Il ne faut pas croire que quelqu'un ne peut pas y arriver. Cheikh Mokbir rahmatullah alayh, il a rapporté qu'il a commencé un âge tardif à passer la trentaine, ou au début de la trentaine. Vous savez ça? Hein? Eh ouais. Il n'est pas trop tard, d'ailleurs. Mais il faut s'y mettre. Et nous, on doit apprendre l'arabe d'abord. Hein? Il faut se mettre à faire le Coran, à faire le Moutoun, à étudier les livres, à assister aux Doros. Alhamdulillah, non, c'est pas facile. Ça demande un certain ijtihad, ça demande un certain sacrifice, etc. Mais la réponse, elle est azim, indallah subhanahu wa ta'ala, inshallah, c'est pour celui qui est sincère et qui est conforme à la Sunna dans ce qu'il fait. Et aussi, il y a un goût à partir d'un certain moment, ce talab. Et on a déjà fait plusieurs cours sur l'importance de talab al-ilm et fadl talab al-ilm et fadl al-ulama wa talabat al-ilm. Et les nombreux hadiths et les nombreux textes qui sont rapportés dans la préscience de la science et des gens de science. Et l'exemple des salafs, comment ils étaient dans la science. Comme un salaf qui est parti, à l'époque c'était à dos de monture, hein, d'un pays jusqu'à un autre, lointain, pour prendre le tafsir d'un verset du Coran. Nous, on a tout. À un clic sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, et tu as le tafsir de Charles Al-Faymin des années à écouter. Et imagine, tu vas écouter rien que les doros de Cheikh Mounbaz sur l'Albani, sur Al-Faymin. Combien d'années tu as déjà? Certains qui ont fait le calcul, je sais, mais qu'est-ce qu'il faut ce calcul? Allah, mais je ne serais pas étonné que ce soit avant. Hein, donc. Yani, on dit ça pour motiver, pas pour démoraliser. On dit ça pour motiver. Il n'est pas trop tard. Il y a une scène qui s'y mette et qu'il commence. D'accord? On connaît des frères, alhamdulillah, ils avancent bien, wallah, alhamd. D'accord? Il y a un converti à l'islam qui travaille avec moi, subhanallah al-adim, ça fait maximum 5 ans qu'il est musulman. Je pense que c'est un peu moins. Hein? Le frère, il parle arabe. Il écrit l'arabe. Il traduit déjà, mashallah, et il connaît pas mal de livres dans Mustalah ou dans l'Aqida ou dans d'autres livres, etc. Hein? Walakin, ijtihad. Ijtihad. Toujours des questions, toujours sur des mots d'arabe, sur ceci, sur des fawaïd, etc., etc. Toujours des livres autour, toujours, hein? Toujours en train d'écouter des dons, etc. Wallah nous zakka ala Allah ahada. On dit ça pour motiver. Et il y a d'autres exemples que vous connaissez certainement, alhamdulillah. Hein? D'accord? Alhamdulillah, il y a certaines de nos sœurs ici qui tlobent l'ilm, alhamdulillah. Qui ahfad le moutoun. Il y a certaines de nos sœurs, là, elles sont en train de finir au sul sitta, par cœur. Alhamdulillah, zamlah, zamlah, l'akhiran, et qu'Allah les affermisse. Hein? Non, mais y'a quoi? Hein? Il faut étudier par cœur, il faut mémoriser, alhamdoulilah, il faut se motiver. Il faut avoir une méthodologie dans talab al-ilm. Donc, on revient au hadith ici, que Hudayfa, ou plutôt à la porte de Hudayfa, qu'à la grecque, il a vu un homme ne pas parfaire son inclinaison, ni sa prosternation. Et lorsqu'il lui finit sa prière, Hudayfa lui dit, tu n'as pas prié. Et je pense qu'il a dit, si tu meurs alors que tu prierais, alors tu mourrais sur autre chose que la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Salah, Bab Ida Lam Yutim al-Sujoud, hadith numéro 389. Et Cheikh, il dit justement, Cheikh Mohamed Bazmoun, par rapport à cette athar de Hudayfa, par rapport à cette parole de Hudayfa, pardon, il n'y a aucune place pour l'effort d'interprétation ni pour l'opinion dans ce jugement de Hudayfa. Et donc, comme Hudayfa a jugé par cela, cela indique que l'individu n'est pas excusé en raison de son ignorance si cela est en raison d'un manquement dans la recherche et la question. C'est-à-dire qu'il a délaissé l'apprentissage même dans les actes d'adoration. Et à ce sujet, il n'y a pas d'excuse en raison de l'ignorance avec la possibilité d'apprendre. Pendant que je lisais ça, je me rappelais un dars que j'ai traduit pour Cheikh Abdel Adani quand j'étais en Belgique. J'avais été pour traduire pour Cheikh Abdel Adani, hafidahullah. Hein? Il a fait un dars sur l'importance de la science. Écoutez-le, frère. Il est sur notre site. C'est quelqu'un, il se sent un petit peu... il a des manquements, ou c'est un peu fainéant, ou il se sent pas trop motivé qu'il écoute ce dars. S'il y a un problème, vous le faites savoir, on va parler au frère qui est technicien, il va voir ça, Inch'Allah. D'accord? Il a rapporté des athars et des paroles de salaf et des histoires de salaf, comment ils étaient dans talab al-ilm. D'accord? Certains même salaf, ils mangeaient que genre, comme du pain mouillé ou des choses qui sont faciles à avaler pour ne pas perdre du temps pour pouvoir étudier, etc. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça, Allah Musta'an? Et je vous rapporte la parole de l'imam muslim, une parole que j'aime beaucoup, d'ailleurs que je mets souvent dans mes profils, etc. Hein? C'est la parole de l'imam muslim qu'il a apportée de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit « La yunalu ilm birahati al-jasad ». Notre riwaya, comme l'a dit Cheikh Mokbil, « La yusata'u l'ilmi birahati al-badan ». C'est que l'ilm, il n'est pas possible avec le repos du corps. Il faut se fatiguer. Il faut que l'ilm. On est au troisième type, ça? Troisième type, et dernier type, des types de Umur Din qu'il a cité ici, le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala. النوع الثالث من أعرض عن تعلم الدين عبادات واعتقادات ومعاملات جحود وإنكار فهذا كافر لأنه أتى بناقد الجحود والتكذيب وناقد التولي والإعراض قال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون عن يزيد بن سمرة أبي هزان أنه سمع عطاء الخراساني يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام وهذا الأثر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريقه رواه أبو نعيم في الحليه. Le troisième type, quiconque délaisse l'apprentissage de la religion, les actes d'adoration et les croyances et les transactions par reniement et par négation, est alors un mécréant car il a commis l'annulatif de reniement et de déni et l'annulatif de délaissement et de se détourner. D'accord? Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels, sur la Sajda, verset 22. Et d'après Yazid ibn Samura, Abu Hazzan, qu'il a entendu dire, Ata al-Khurasani, dire, les assises de rappel sont les assises au sujet du licite et de l'illicite. Il est rapporté par Tabarani dans Musnad Shamiyin et par Abu Nu'aym dans Al-Hilya. Et maintenant, on arrive à la conclusion de ce livre. خاتمة نواقض الإسلام قال المصنف رحمه الله donc c'est l'auteur lui-même Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahab رحمه الله qui a conclu par une parole et Cheikh Mohamed Bazmoun il explique قال المصنف رحمه الله ولا فرق في جميع النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit en conclusion des années de l'Islam, l'auteur, c'est-à-dire, il dit, il n'y a pas de différence quant à tous ces annulatifs entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux et celui qui a peur, à l'exception faite de celui qui est contraint. On a parlé de ça, de l'ikra, vous vous souvenez. Et ils sont tous parmi les choses les plus graves et parmi les choses qui arrivent le plus. Et donc il est obligatoire aux musulmans d'être sur ses gardes quant à ses annulatifs et d'en avoir peur pour lui-même. Il croit, la personne ne doit pas être sentir autosuffisante et être à, sentir à l'abri du kufr, et sentir à l'abri du shirk, et sentir à l'abri de nawaqid l'iman et nawaqid l'islam, al-'aydu billah min dalik. Hein? Il ne faut pas sentir comme ça. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Wajnubani wa bani an na'bud al-aslam, subhanallah. Certains salafs, comme c'est rapporté dans Fath al-Majid, ils ont dit, il a dit, man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Qui va être préservé de l'épreuve après Ibrahim? Ibrahim, il a demandé, il a fait le dua. Sallallahu alayhi wa lakum al-thabat. Ala al-din ila al-mamad. Donc ici, le cheikh, il dit, et ça c'était ma parole, on revient à la parole du cheikh de l'islam, et d'en avoir peur pour lui-même. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les causes de sa colère et son châtiment douloureux. Et que les prières d'Allah et ses salutations soient sur le mur de ceux qu'il a créés, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Cheikh Mohammed Bazoul explique cette conclusion de Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, en disant « يقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » من سورة النحل. فلم يعذر الله في الكفر إلا المكره فالجاد والهازل والساخر والخائف الذي لم يصل إلى حد الإكراه كلهم غير معذورين في الكفر فإن صدر الكفر منهم فهم ممن شرح بالكفر صدرا لأن القلب العامر بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم دينه والقلب المملوء محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه لا يصدر من صاحبه قول الكفر أو فعل الكفر إلا مكرها فإذا صدر منه في غير حال الإكراه فهو ممن شرح بالكفر صدرا ولا خلاف. Ici, à partir d'ici jusqu'à la fin, c'est une parole de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab dans un de ses livres qui cache Shubuhat. ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من سورة النساء وتأمل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها وتأمل قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة من سورة النحل فلم يعذر الله من هؤلاء إلى من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مضاراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فالآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكرهه عليها أحد والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة للكفر أو محبة الكفر إنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Il dit en bas, en haut de votre page, ما بين معكوفتين من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات باختصار وتصرف يسير. On traduit maintenant, et ce sera avec après cela la fin du cours, inshallah. Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve et le récompense en bien, explique cette conclusion de la manière suivante. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens, est « Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » Surat Nahl, verset 106. Donc, Allah n'a excusé concernant la mécréance que celui qui est contraint. Quant à celui qui est sérieux, et celui qui plaisante, et celui qui se moque, et celui qui a peur, mais n'est pas arrivé au degré de contrainte. Donc il a peur, mais il n'est pas arrivé au degré de contrainte. Et Cheikh Mohamed Baramza, les autres machers, ils ont donné d'abit. Ce n'est pas toute peur qui est considérée comme une contrainte. D'accord ? Aucun d'eux n'est excusé concernant la mécréance, et donc si la mécréance émane d'eux, ils sont alors de ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. Car le cœur qui est rempli de vénération envers Allah et de profond respect envers son messager et de profond respect envers sa religion et le cœur rempli d'amour envers Allah et son messager et sa religion, il n'émane pas de celui qui possède un tel cœur la parole de mécréance ou l'acte de mécréance. À l'exception faite de celui qui est contraint. Et donc si cela émane de lui dans une situation autre que la situation de la contrainte, il fait alors partie de ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. Et il y a maintenant, d'ici jusqu'à la fin du cours, ça va être la parole de Cheikh l'Islam Mohamed bin Abdelhab, rahimahullah, dans Kashf Shubuhat. D'accord ? C'est un des livres, de nombreux livres qui sont sur la liste. Yassarallahu dirasatah. Et il n'y a aucune divergence sur le fait que l'unicité se doit d'être par le cœur et par la langue et par l'action. Et donc, si l'une de ces choses manque, l'homme n'est alors pas un musulman. Et s'il connaît l'unicité et ne la met pas en pratique, il est alors un mécréant obstiné comme Pharaon et Iblis et leurs semblables à tous deux. Et s'il met l'unicité en pratique, d'une pratique apparente, mais ne la comprend pas et ne la croit pas de son cœur, il est alors un hypocrite et il est pire que le mécréant qui est pur. C'est-à-dire que le mécréant... C'est-à-dire que le munafiq, on avait dit quoi? C'est l'adi yudhiru l'islam walakin yubtinu al-kufr. Allah dit, c'est dans la traduction du sens, hein, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu n'en trouveras jamais de secoureur. Surat Nisa, verset 145. Et médite sa parole dont la traduction du sens est: ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Surat Tawba, verset 66. Et donc si tu es sûr que certains compagnons qui sont partis en expédition avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre les Romains ont mécru en raison d'une parole qu'ils ont dite par plaisanterie et par jeu, il te sera alors clair que celui qui dit la mécréance ou commet la mécréance de peur d'avoir une diminution d'argent ou de rang ou pour ménager quelqu'un, mudarat, est plus grave que celui qui dit quelque chose pour plaisanter. Et médite la parole d'Allah dont la traduction du sens est: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Surat Nahl, verset 106-107. Et donc Allah n'a excusé de cela que celui qui est contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Quant à autre que celui-ci, il a mécru après avoir eu la foi qu'il l'ait fait par peur, ou pour ménager quelqu'un. Ce qu'on a dit ici, contre autre que celui-ci, il a mécru après avoir eu la foi. D'accord ? Voilà, c'est ici. Qu'il l'ait fait par peur, ou pour ménager quelqu'un, ou par diligence envers sa patrie, ou sa famille, ou sa tribu, ou son argent, ou le fait par plaisanterie, ou pour autre chose parmi les buts, à l'exception faite de celui qui est sous la contrainte. Et donc le verset indique cela sous deux aspects. Le premier, sa parole dans la traduction du sens est « sauf celui qui était contraint ». Il l'amène au kriha. Et donc Allah n'a fait l'exception que de celui qui est contraint. Et il est, vous voyez en arabe ici, « illa man ukriha ». C'est ce qu'on appelle un istithna en langue arabe. Une exception faite. D'accord ? Sauf celui qui a été contraint. Et donc Allah n'a fait l'exception que de celui qui est contraint. Et il est connu que l'individu n'est contraint qu'à la parole ou l'action. Tandis que personne ne peut le contraindre à la croyance du cœur. D'accord ? Et le deuxième, wa thaniya, sa parole dans la traduction du sens est, il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et donc il a dit de manière explicite, subhanahu wa ta'ala, que cette mécréance et ce châtiment ne furent pas en raison de la croyance ou de l'ignorance ou de la détestation envers la religion ou amour de la mécréance, mais que ce ne fut qu'en raison qu'il avait une portion parmi les portions de ce bas monde et qu'il l'a donc aimé plus, qu'il l'a donc préféré à l'au-delà, et Allah est le plus savant. Et Cheikh Mohamed بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى الديف تم شرح هذه الرسالة المباركة النفيسة لمصنفها الإمام رحمك الله لمصنفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي غفر الله ورحمه وأسكنه فسيح جناته آمين. Et la parole que j'ai dite précédente, elle est de, avant que je termine cette parole sur Bazmoul, il dit ce qui est entre guillemets, c'est-à-dire toute la parole qu'on a citée jusqu'à la fin, ce qui est entre guillemets est une parole de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui l'a dit entre parenthèses, mais moi, parce que le texte que j'ai fait en français, il est entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, d'accord ? Makoufa, c'est une parenthèse. Qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Kashf Shubuhat, page 44, en résumé, et avec quelques prises de liberté avec le texte, le Cheikh il dit. Et donc, Cheikh Mohamed Bazmoul, il conclut cette explication qu'on a fait en 212 pages, alhamdoulilah, en disant l'explicatif de cette épître bénie et précieuse de son auteur, l'imam revivificateur, Mohammed bin Abdul Wahhab al-Tamimi, qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde et le fasse résider dans ses larges jardins et complets. Et il dit le Cheikh Amin, par rapport à la doua qu'il a dit par rapport à Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et ensuite il y a le glossaire du livre. Je vous rappelle qu'il y a une introduction très importante dans ce livre et qu'il y a les 15 règles sur le tekfir. Et puis il y a les 10 nawaqid qui sont expliqués, plus la conclusion. Ça fait 25 cours, c'est 25 PDF qu'on a fait si vous voulez les revoir. Et pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté depuis le début, eh bien, ils peuvent écouter et lire toutes les notes qu'on a fait du cours. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati yatimmu salihat. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le long, je reviens à lui subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité l'étude de son cours, de ce cours. Et regardez, subhanallah, comment le temps est passé et la raison pour laquelle on a commencé le cours. Et regardez ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Hein, et tout ce qu'on a appris, Allah alhamd. D'accord. Et regardez, pour les frères, dont c'est le premier cours qu'ils finissent ici, alhamdoulilah, il y a d'autres frères qui ont fini beaucoup d'autres livres qu'on a fait. Ils ont fini Moudakir al-Hadith Nabi al-Sharif, ils ont fini le Cheikh Rabi', ils ont fini Usul Talata Cheikh Obeid, ils ont fini Usul Sita Cheikh Obeid, ils ont fini le Sharh de Usul Salah de Cheikh Mohsin al-Abbad, ils ont fait plus de deux tiers de Sifat Salah avec le Sharh de Cheikh Mohamed Bazmoul, et ils ont fini maintenant Nawaqid al-Islam, ils ont fini Sharh Al-Fatwa al-Malikiya de Al-Qirawani Rahimahullah, Sharh Cheikh Ahmed Bazmoul, et d'autres, beaucoup d'autres cours qu'on a fait, et d'autres cours qu'on n'a pas fait ici, mais que j'ai fait ailleurs dans d'autres villes et dans des conférences, etc. Donc, Alhamdulillah, c'est une ni'ma pour celui qui n'avait pas l'habitude d'assister aux cours, et bien qu'il commence à venir, et pour celui qui a l'habitude de venir aux cours, et bien qu'il soit persistant et qu'il perdure. Je ne dis pas ça parce que c'est moi, les ikhwa. Il faut savoir que si je sais qu'il y a un frère salafi qui est plus savant que moi et qui est plus compétent que moi, je lui laisse ma place à Echo. Hein? Je dis ça de mon cœur, sarahatan. Et je serais content de m'asseoir devant lui, de lui laisser ma place. Nous, on n'a pas de problème avec ça, wallahi alhamd. On fait ça parce que voilà, c'est ça qu'on peut faire. On traduit les paroles des ulama, on ne fait rien d'autre. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne l'ikhlas dans ce qu'on fait et qu'Allah l'accepte de nous. Par rapport au prochain cours, Inch'Allah, vous avez le droit de suggérer des titres, hein, je pense que c'est un minimum vis-à-vis de vous et par rapport à vous. Pour les gens qui sont sur internet, ils peuvent nous envoyer des emails, vous pouvez m'envoyer des textes pour les frères comme mon numéro de téléphone. Je rappelle que j'autorise personne à donner mon numéro de téléphone sans mon autorisation, hein, d'accord. En général, je ne réponds pas aux gens que je ne connais pas, mais il arrive que je réponde. Et il arrive des fois qu'on coupe certaines paroles de moi d'ailleurs et qu'on mente ou qu'on calomnie, comme ça va être expliqué dans quelques jours, Inch'Allah. Hein, mais je rappelle qu'on ne donne pas mon numéro sans mon autorisation, barakallahu fikoum. Pour les frères comme mon numéro, qu'ils me textent leur leur suggestion ou qu'ils viennent me parler. Pour les gens qui sont sur internet, bien qu'ils nous emailent leurs suggestions pour les prochains cours, etc. Je vous dis les suggestions que moi j'ai en tête. Vous me dites ce que vous en pensez. On va commencer par le plus probable, c'est le Qawaid al-Arba'a. Les quatre règles, aussi des Cheikh al-Islam Mohammed Abdelhar, très court épître, très important, d'accord, expliqué par de nombreux savants. Il y a l'explication de Cheikh Ben Baz, que j'ai aussi, l'explication de Cheikh Zaid, et l'explication de Cheikh Najmi, il y a l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il y a l'explication de Cheikh Al-Haydan, tout cela je les ai en fait, et Cheikh Ruslan, et je pense que je vais pencher sur celle de Cheikh Abdel Bukhari. Elle est disponible sur son site en PDF. Hein, à télécharger, sur Miraf, même sur son site, je sais, presque sûr que c'est sur son site, mais en tout cas, elle est en note et en audio sur Miraf. D'accord ? Donc ça, c'est fort possible qu'on fasse ce livre-là. Et c'est une suite logique. C'est un des motons c'est important de faire et qu'on n'a pas encore fait ici. J'ai d'autres titres en tête. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Et pour plusieurs raisons, je voudrais le faire. Mais je voudrais peut-être faire Qawaid al-Arba'a avant. C'est Usul al-Aqaïd Diniya d'Ibn al-Sa'di, de l'imam Abdurrahman Nasser al-Sa'di, rahimahullah, avec le charh de Cheikh Zayd. C'est important parce qu'il parle des usul de notre aqida. C'est important qu'on construise nos bases et qu'on établisse notre aqida. D'accord ? Parce qu'on fait face à beaucoup de doutes. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de doutes et beaucoup de shubuha par rapport à l'aqida. Il convient que vraiment, on essaye d'enraciner cette aqida dans nos cœurs. D'accord ? Qu'on essaie d'apprendre cette aqida correcte, cette aqida salafia, d'accord, et qu'on apprenne les bases de notre religion. Donc ça, c'est un livre que j'aimerais bien faire. Il est un peu plus long, évidemment, qu'Qawaid al-Arba'a, mais ça, c'est un des titres que j'ai en tête. Il y a aussi Kitab al-Tawhid. Mais je pense que ce serait bien de faire Qawaid al-Arba'a d'abord. Ce Kitab al-Tawhid est plus long, et une suite logique serait de faire Qawaid al-Arba'a d'abord, puis de faire Kitab al-Tawhid. Il y a aussi plusieurs épîtres qui sont très courts de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, dans le Tawhid. D'ailleurs, Cheikh Fawzan en a expliqué 8 qui ont été imprimés dans un même volume. Il y a notamment Jami' al-Ibadati Allahi Wahdah. Dans ce même volume-là, il y a Qawaid al-Arba'a, il y a d'autres moutons, etc. Mais il y a ce genre de moutons-là, comme Jami' al-Ibadati Allahi Wahdah, qui sont importants, qui sont très courts, qu'on peut faire assez rapidement aussi. Il est possible que je fasse, soit avant Qawaid al-Arba'a, soit après, des cours dans le Manhaj. D'accord ? Notamment une biographie, une dora qui est faite sur la biographie de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui était focouette par Cheikh Abdurrahman et d'autres mashayikhs. D'accord ? Beaucoup de fawaid dans le manhaj qui sont rapportés dans ces dorus-là. Donc voilà, il y a un livre que je voudrais faire, mais ça c'est dans le fiqh. C'est Bulugh al-Maram. Mais on devrait terminer d'abord ces fatsalas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé qu'on le finisse. Il y en a même certains qui ont demandé qu'on le reprenne depuis le début. Hein, voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous dites les frères. Après le cours, venez me voir et dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous avez des idées. Il y a un très bon livre aussi qui est l'Irshad ila Sahih al-I'tiqad. D'accord ? D'ailleurs, souvent, quand je demande aux frères qui ont plus l'habitude d'écouter en français, je dis qui l'a fait ce livre-là ? Ils me disent souvent ouais, c'est Suleiman, il l'a fait. Suleiman al-Haïti. Allah mubarak fih. Hein, parmi nos frères salafi, hafidahullah ta'ala, subhanallah, il nous a devancé dans beaucoup de titres. Hein, jazallah khairan, qu'Allah le préserve. Il recommence par le Firdaus al-A'la, c'est parmi nos frères qu'on aime en Allah azza wa jal. Et je vous recommande d'écouter ces cours, hafidahullahu ta'ala. Donc voilà, on a fini ça, alhamdulillah, on a fini ce livre. Et je vous laisse là-dessus, wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et regardez la ni'ama dans laquelle on est. Apparemment, il y a une belle khutba hier, j'y étais pas. J'étais en voyage, j'étais dans une réunion information à Stoke-on-Trent, à l'école salafi là-bas de Stoke-on-Trent. Il paraît que c'était une bonne khutba et Abu Khadija il a rappelé le bienfait de ce masjid. Et sarahatan, c'est quelque chose que je pense sincèrement qu'alhamdulillah, même si on a encore oublié le kufr, qu'Allah nous facilite la hijra. Encore une fois, on n'appelle pas les gens à rester ici définitivement, mais tant qu'on est ici, et bien alhamdulillah, ce masjid c'est une ni'ma. Alhamdulillah, on traite des salafis, tout le monde est salafi, alhamdulillah, parmi les frères responsables, parmi les mu'addinines, parmi les a'imma, parmi les frères qui enseignent, etc. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de livres importants qui sont enseignés ici. Il y a beaucoup de cours importants. Les enfants, ils mémorisent le Coran. Il y a des cours de Coran et d'arabe pour les sœurs. Il y a le lundi. Dites-moi si je me trompe, les frères. Hein. Il y a le lundi تفسير القرآن دي ابن كثير أو دوسين العمدة كيل رزومي دي تفسير ابن كثير دي أحمد شاكر في بار نطفق أبو حكيم أبو حكيم ألف دي شيخ عبيد كي تدي شيخ حمد الأنصاري شيخ محمد أمان جامي شيخ بكل مشيخ تترى كان تزكية دي شيخ عبيد كي كوني تخمي شيخ ربيع شيخ ربيع أم يركوماند تترى إليا مغدي لكوخ دي أصول ثلاثة دي أبو إدريس محمد حفظه الله تعالى qui est diplômé de l'université de Médine, qui a étudié chez Cheikh Obeid, qui a étudié chez Cheikh Abd al-Bukhari, d'autres mashaykh, et qui est aussi qui étudie Cheikh Najmi, rahimahullah, et qui est aussi proche comme les autres doua d'Angleterre, de mashaykh comme Cheikh Rabi et d'autres. Et il y a le mercredi encore Abu Hakim, Bilal Davis, hafidahullah, qui fait Umad al-Ahkam, le charh de Cheikh Ahmed Najmi, ta'assis l'Ahkam. Il y a le jeudi, شرح سنة البربهاري لشيخ الفوزان par notre frère Abu Khadija. Abu Khadija, حفظه الله, qui est le responsable principal de ce centre et qui est parmi le khutaba de cette masjid, qui fait la khutba, parmi les du'as salafi de l'Angleterre, qui est très connu de chez les mashaykh comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Al Bukhari, Cheikh Mohamed bin Hadi et d'autres. D'accord ? Abu Khadija, les gens ont bien attaqué. Cette notion, toujours cette notion de parcours scientifique est très extensible chez certains selon leur hawa, plus sur des dawabit ilmiya. Abu Khadija, je voudrais mettre en garde les frères qui s'en prennent à lui, parce qu'Abu Khadija, c'est pas n'importe qui. Si quelqu'un s'en prend à Abu Khadija, il risque d'avoir affaire à des mashaykhs comme Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid et d'autres. Il est connu de ces mashaykhs-là, il est recommandé par ces mashaykhs-là, il est considéré par Cheikh Al-Anjali comme son élève. D'accord ? Et Cheikh Mohamed bin Hadi, maintenant, là, Al-Hajj, il était dans sa mosquée, et quand il a vu les frères Abu Khadija et d'autres frères de Birmingham, il les a fait passer devant, et il a dit, voilà nos frères de Birmingham, de Majid Salafi là-bas, hum ma'roufoun indana. D'accord ? Et Cheikh Abel Jabiri, il recommande aux gens de l'Ouest de revenir. Il a recommandé, il y a une question qui a été posée il n'y a pas longtemps, il y a Cheikh, dans nos affaires de la da'wa, dans l'Ouest, dans l'Occident, on dit en français, en Occident, à qui on doit revenir, il a recommandé le Maktaba Salafia et particulièrement Abu Khadija et Abu Hakim et d'autres. D'accord ? Regardez la confiance qui est donnée par des mashaykhs tels que Cheikh Ubaid et Cheikh Rabi' et Cheikh Mohamed Ben Hadi et d'autres. D'accord ? Donc voilà, donc c'est ni'ma. Il y a le vendredi maintenant, Sharh Kitab Tawhid de Cheikh Ahmed Najmi. Rahimahullah ta'ala, par notre frère Abu Khadija encore. Il y a dimanche, il y a un cours Abu Hakim. Samedi. Ah, ben oui, Abu Hakim, oui, c'est vrai. Abu Hakim, le samedi, c'est un nouveau cours, il faut s'habituer. Il y a, c'est Jami' al-Ulum al-Hikam qui fait, d'Ibn Rajab al-Hanbali, Jami' al-Ulum al-Hikam, qui est les 42 hadiths qu'a compilé l'imam Nawawi, Rahimahullah, plus 8 qu'Ibn Rajab a rajouté, qui fait Tatimat al-Khamsin. Et que Ibn Rajab Rahimahullah al-Hanbali, il a pris les 50 et les a expliqués dans un livre qui est un livre en or, une perle, qui s'appelle Jami' al-Ulum al-Hikam. D'accord ? Et Abu Hakim le fait donc le samedi. Dimanche, il y a un cours d'Abu Hakim aussi, je pense, c'est quoi ? J'ai oublié un cours le samedi matin d'Abu Khadija pour les sœurs. Plus spécifiquement pour les sœurs. Et c'est des sujets qui touchent les sœurs, qui touchent le manhaj et qui touchent d'autres masaïl, etc. D'accord ? Et dimanche, il y a un cours d'Abu Hakim après en Dhuhr. Je sais qu'il faisait un livre de Siddiq Hassan Khan. Tous les versets. Les versets qui sont relatifs aux femmes, c'est ça, hein? D'accord, hein? Oui ou non? Hein? J'ai le livre à la maison, je vois un peu lequel c'est. Donc il le fait après Dhuhr. Inch'Allah, les frères, je sais que vous n'avez pas encore cours d'arabe, je sais que vous demandez, je sais qu'on est en train d'essayer un peu de patience, barakallahu fikoum, qu'on essaie d'organiser ça d'une bonne manière. Donc, alhamdulillah, c'est ni'ma. Wa ni'matu ida shukirat. قرت واذا كفرت فرت النعمه سي لي رميرسي ال ريست النعمه سي لي دينيي ال بار دونك غتني بيان هاد الفراز كيش عبد الرزاق البدر دوت ماشي خسيت عرف النعمه وشكر الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.